Chapitre 10. En rentrant chez lui, Étienne Castel apprit que Georges Darrier était venu s'informer de lui chaque jour. L'artiste se rendit chez lui immédiatement après son déjeuner. « Ah, mon tuteur !» s'écria Georges. « Enfin, vous voilà. J'ai été si inquiet. » Votre valet de chambre prenait, en me parlant, des attitudes de sphinx. Mais, franchement, vous auriez dû l'autoriser à m'apprendre que vous étiez en voyage. J'étais en voyage d'affaires, et tu me vois revenir fort déconfit. Car ce n'est point pour mes affaires personnelles que je courais le monde. Il s'agissait de Lucien Labroux, de Jeanne Fortier, de Lucie Fortier et de Paul Armand. Il s'agissait de Jeanne Fortier, répéta Georges. C'est pour vous parler d'elle que je suis allé chez vous. Aurais-tu découvert quelque chose à son sujet? J'ai vu Jeanne Fortier elle-même. Georges raconta à son ex-tuteur la visite de la porteuse de pain venant lui apporter les papiers perdus trouvés par elle, et lui demander conseil au sujet des agissements de Paul Armand et de Marie contre la pauvre Lucie. Comment elle savait que Lucie était sa fille, et comment Paul Armand l'avait reconnue. Jeanne Fortier a-t-elle reconnu Paul Armand? Interrogea Étienne Castel, qui l'avait écouté attentivement. Elle ne pouvait le reconnaître, c'était la première fois qu'elle le voyait. L'artiste prit son front dans ses mains. Décidément, murmura-t-il, mes soupçons s'égaraient. Que croyez-vous donc? Que Paul Armand était Jacques Garot, l'assassin de Jules Labroux, tout simplement. Lui, Jacques Garot? Lui, l'assassin de Jules Labroux? Répéta Georges. Mais qui vous faisait supposer cela? Tout et rien, répondit Étienne Castel. Aujourd'hui, mes preuves s'en vont en fumée. De mes recherches même, il résulte que Paul Armand est bien son nom. Il me faut reconnaître que tout ce qu'il a fait, il l'a fait pour sa fille. Mais, reprit Georges Darrier, qui donc lui a fourni cette pièce authentique dont il s'est servi contre Lucie? Ici, pour moi, tout s'embrouille. Il raconta ses démarches à Joigny et à Bois-le-Roi. Enfin, quel intérêt avez-vous à vous donner tant de mal pour éclaircir ces points obscurs d'une histoire qui ne vous touche en rien? Demanda Georges après l'avoir écouté. Étienne Castel regarda son pupille d'une façon singulière et reprit au bout d'un instant. « Ne pensons plus à cela. Je croyais tenir une preuve, elle m'échappe, tout est fini. Vous renoncez à ce que vous aviez entrepris? Il le faut bien. » En répondant ainsi, Étienne déguisait la vérité. Lorsqu'il quitta Georges, une préoccupation unique hantait son esprit, trouver le baron de Retz. Complètement guéri et lesté des 5 000 francs d'indemnité, Duchemin s'était rendu rue des Dames, au Batignolles, où l'attendait Amanda. Ni Duchemin ni la jeune fille n'oubliaient les projets de vengeance qu'ils nourrissaient tous les deux contre Vitzolivo. Duchemin comprenait à quel point le compromettait le vol commis par lui dans les archives de la mairie. Son rêve était de rentrer en possession du procès-verbal de dépôt à l'hospice des enfants trouvés, et des billets faux souscrits par lui. Amanda souhaitait reconquérir l'étrange reconnaissance signée par elle à Madame de Lyon, la marchande de mode de Joigny. De plus, la jeune femme était vindicative. Ovide avait risqué de l'empoisonner. De plus, il avait barre sur elle et pouvait la perdre de l'arrivée de Duchemin à Paris. Elle aborda la question qui l'intéressait. « Es-tu prêt à agir contre un autre ennemi commun ?» Raoul répondit d'une façon affirmative. « Je suis sûr que le nommé Ovide Solivo est en rapport avec le père de Marie Armand. La preuve, c'est qu'il a livré au constructeur de Courbevoie l'acte que tu lui as remis. » C'est donc à Courbevoie, aux environs de l'usine, ou à Paris, près de l'hôtel, et la rue Murillo, qu'il faut se mettre en embuscade. Un jour ou l'autre, Ovide ira chez son complice. Consacre donc tes journées entières au métier de guetteur. Au moment où Solivo sortira de chez Paul Armand, tu n'auras qu'à le suivre. En admettant que Paul Armand ne le reçoive pas chez lui, il va certainement le trouver. Attache-toi donc aussi au pas du millionnaire. Sache où il va. Amanda ouvrit un meuble et poursuivit. « Il y a là mes économies. Elles proviennent du baron de Retz. Je t'autorise à puiser à même. Je vais mêler ma fortune à la tienne. » Et Duchemin plaça les 5 000 francs de son indemnité dans le tiroir du meuble. Le lendemain, après avoir coupé ses favoris et ses moustaches, ce qui devait empêcher Solivo de le reconnaître, Raoul Duchemin prit une voiture et alla à Courbevoie, à l'endroit du quai où se trouvait l'usine de Paul Armand. Il examina la façade et les deux portes. « Personne ne peut entrer ou sortir sans être vu par moi, se dit-il. Je n'aurai qu'à avoir l'œil au guet. » Il rejoignit sa voiture, qui l'attendait à quelques pas. « J'attends quelqu'un, dit-il au cocher, je vous garde. » Le cocher était un vieux roublard. « Est-ce que nous aurions affilé quelqu'un, mon bourgeois ? » demanda-t-il en clignant de l'œil. « Eh bien oui. Alors je vais au mastroquet à côté de l'usine, et j'entrerai casser le cou à une andouillette. C'est là que vous me trouverez. » Raoul de Chemin rentra rue des Dames le soir sans avoir aperçu Ovide. C'était le lendemain de ce jour que Soliveau devait tenter d'écraser Jeanne Fortier. Le soir de ce même jour, Paul Armand n'était point sorti de l'usine à son heure accoutumée. Duchemin continuait à monter sa faction quotidienne avec une patience diabolique. Tout à coup, une voiture vint s'arrêter en face de la porte de l'usine. Un homme en descendit. Raoul étouffa un cri de surprise. C'était Ovid Soliveau, baron de Reiss, venant de rendre compte à Paul Armand de ce que nos lecteurs connaissent. Dans la journée, il lui avait envoyé une dépêche, le priant de l'attendre à 7h30 du soir. Paul Armand frissonna d'épouvante en écoutant le récit du crime commis par son complice. L'écrasement du jeune garçon qui avait été victime en même temps que Jeanne lui semblait surtout horrible, et il ne le cacha point. « C'est fâcheux, je le sais bien, répliqua Soliveau, mais il fallait aller jusqu'au bout. Es-tu sûr au moins que Jeanne est vraiment morte ? Comment ne serait-elle pas morte après avoir reçu sur la tête un échafaudage pesant 500 ou 600 kilos ? Je l'ai vue comme je te vois, étendue morte sur le sol, le front entr'ouvert. N'y pensons plus et parlons affaires. De quelles affaires ? Mais parbleu des nôtres, des miennes, puisque c'est tout un. Je me suis conduit avec toi en ami véritable. Ne me ménageant point. Mais après ce que j'ai fait ce matin, j'arrête les frais. J'en ai assez, je veux quitter Paris. Tu as peur ? Pas précisément. Mais enfin, on le sait ce qui peut arriver. Il me semble que si tout s'est passé comme tu viens de me le raconter, tu ne cours aucun risque. C'est mon opinion. Mais je ne dormirai sur mes deux oreilles que dans un autre pays que le mien. Où iras-tu ? Je retournerai en Amérique. C'est un pays qui me plaît. Je compte me rendre à Buenos Aires. Eh bien, je continuerai là-bas la rente que je te sers ici. Pas de ça, Lisette. D'abord, elle est maigrelette la rente. Et puis, supposons que tu dévisses ton billard. Qui est-ce qui me la servirait, cette rente ? Si le capital se trouvait entre tes mains, tu le gaspillerais en quelques mois, peut-être en quelques jours. Grand merci de ta sollicitude à mon égard. N'empêche que je préfère un capital à une rente. Quelle somme exiges-tu de moi ? Je vais te dire tout de suite mon premier et mon dernier mot. Inutile de marchander, je veux 500 000 francs. Tu les auras. On n'est pas plus gracieux. Eh bien, je m'embarquerai au Havre de samedi en 8. Nous dînerons ensemble jeudi prochain, une dernière fois, et tu me donneras la somme. Les deux hommes quittèrent l'usine. Ovide aperçut un véhicule. Il l'arrêta. « Au palais royal, dit-il. » En voyant Ovide se diriger vers le fiacre, Duchemin aux aguets redoubla d'attention. D'une main légère, il frappa deux ou trois petits coups contre la vitre et le cocher, qui n'attendait que ce signal, poussa son cheval en avant. Au bruit de la voiture, se mettant en marche, Ovide, qui montait dans son fiacre, se retourna. Mais aucun soupçon ne traversa son esprit. Néanmoins, quand la voiture eut parcouru un espace de 50 mètres, il regarda par le petit carreau percé à l'arrière de la caisse. Il aperçut encore le fiacre dont les lanternes rouges, remarquées par lui, le guidaient. Il fronça le sourcil, et, baissant la glace qui se trouvait entre lui et le siège du cocher, il dit « Quittez l'avenue, prenez à gauche et gagnez les ternes. « Pourquoi ? » demanda le grand industriel. « Je t'expliquerai cela tout à l'heure. » Le cocher avait obéi, et par une rue latérale, il se dirigeait vers la barrière des ternes. Ovide mit de nouveau son œil à son observatoire. Le fiacre était toujours à 20 pas en arrière, conservant sa distance. « Ah, la gueuse !» dit Soliveau, les dents serrées. « Mais enfin, qu'y a-t-il donc ?» murmura Paul Armand. « Il y a qu'on nous file, voilà ce qu'il y a. » Le millionnaire devint livide. « Oh, rassure-toi, tu n'es pour rien là-dedans. C'est moi seul qu'on suit. Et je sais qui me suit, c'est une femme. Qu'est-ce que cela signifie ? Ça signifie que la nommée Amanda Régami, à qui j'ai brûlé la politesse à Bois-le-Roi, s'est mis dans la cervelle de savoir où je demeure, et qui est au juste le baron de Reiss. Mais ce n'est pas encore aujourd'hui qu'elle connaîtra le gîte de ce brave Ovide Soliveau. » Tout en parlant, Soliveau examinait avec la plus grande attention la toilette de son compagnon de route. Paul Armand portait un pardessus de demi-saison de couleur claire, et un chapeau de soie à haute forme. Ovide, au contraire, était revêtu d'un paletot foncé et coiffé d'un petit chapeau de feutre rond. Nous savons déjà que les deux hommes avaient à très peu de choses près la même taille. « Faisons un échange, » dit Soliveau au millionnaire. « Donne-moi ton chapeau et ton pardessus et prends les miens. » L'échange de vêtements et de coiffures fut opéré. Le Dijonnais, baissant la glace de devant, jeta ces mots. « Allez directement place de l'Opéra. Vous vous arrêterez en face du café et du Grand Hôtel. Toi, poursuivit Ovide en s'adressant à Paul Armand, tu mettras pied à terre. Amanda te prendra pour moi, et, trompée par le costume, elle te suivra. Pendant ce temps, j'irai commander notre dîner chez Brébant. Mais que ferai-je lorsque je serai descendu ? Va au café pour qu'elle s'aperçoive de l'erreur. Puis, lorsque la voiture d'Amanda aura tourné bride, tu viendras me rejoindre. C'est convenu. Un quart d'heure plus tard, les deux fiacres arrivaient place de l'Opéra. Les choses se passèrent alors de la façon prévue par Ovid. Du chemin, lorsqu'il vit descendre Paul Armand, vêtu du paletot sombre et coiffé du petit chapeau rond, le prit pour le baron de Retz. « Ne bougez pas de là, » dit-il à son cocher, « l'autre peut partir. C'est celui-là seulement qui m'intéresse. » Le fiacre d'Ovid s'éloignait déjà rapidement. Jacques Garot alla s'installer à une table placée sous les globes de cristal d'une gerbe de bec de gaz. Il faisait face à la place de l'Opéra, par conséquent à Raoul Duchemin. Ce dernier ne put contenir une exclamation de colère. « Ces gens-là se sont aperçus qu'on les suivait, » murmura-t-il, « et ils ont changé de costume. » Pendant quelques secondes, il s'absorba dans l'amertume de sa déception. Puis il donna l'ordre au cocher de le reconduire rue des Dames, où Amanda l'attendait avec impatience. Duchemin raconta sa mésaventure. Malgré l'insuccès complet de son associé, la jeune femme ne put s'empêcher de rire. « Tu trouves ça drôle ?» fit Raoul furieux. « Ma foi, oui, c'est exaspérant, mais c'est drôle. Le gredin a toutes les ruses. Il s'agit d'être aussi rusé que lui. » Duchemin fit un geste de colère. « Dès demain, je recommencerai à épier, » dit-il. « Ça ne servirait à rien. Demain, c'est dimanche. Et ils ne se verront pas, si nous allions à Bois-le-Roi. Je ne demande pas mieux. » Paul Armand avait rejoint son complice chez Burban dans un cabinet. Vers minuit, ils se séparèrent. Le Dijonnais ne laissait pas d'éprouver une vague inquiétude. « Il ne me sera pas bien difficile de déjouer les plans d'Amanda jusqu'à mon départ, » se disait-il. « Mais je crois que ce départ est vraiment une chose sage. » À Buenos Aires, avec 500 000 francs, je vivrai d'une façon confortable. Décidément, je fais bien de prendre ma retraite. Ça me promet une vieillesse. » Le lendemain, Ovid jeta un coup d'œil sur les journaux, et il eut un récit de l'accident arrivé rue Gillecoeur. Le reporter affirmait qu'outre le jeune garçon, une porteuse de pain avait été broyée littéralement. Ovid sourit. « Le cousin Armand, se dit-il, verra que cette fois la besogne était bien faite. »